Oui, j'ai une proposition à te faire, prince. Au lieu de demeurer chez cette fripouille de Lebedev, viens chez nous. Nous avons dans notre villa un appartement vide. Évidemment, si vous avez un appartement vide, Elisabeth Prokofievna, hélas, je ne peux pas déménager. Vraiment pas. En tout cas, pas pour le moment. Monsieur Lebedev compte sur le prix du loyer que je lui verserai Pour subvenir à ses besoins. Or, les besoins de Lebedev sont très pressants, madame la générale. Vraiment, monsieur Lebedev, on ne le dirait pas. Avec votre villa à Pavlovsk, vos deux maisons à Saint-Pétersbourg... Mais ce sont là des apparences trompeuses, madame la générale. Mes besoins sont terriblement pressants. Oh, le prince est grand, le prince est généreux, le prince est sublime. Il ne partira pas d'ici et ne laissera pas mourir de faim tous ces orphelins. Regardez, regardez Tania, regardez Nastia, regardez Pavel. Ils sont 9, madame la générale. Leur mère est morte en couche il y a 6 semaines, autrement ils seraient 10 à l'heure actuelle. Vous m'entendez, madame la générale, 10. Tu bafouilles, Lebedev, tais-toi. Ne cherche pas à m'apitoyer avec tes prétendus orphelins. Je ne suis pas le prince, moi. Je lis en toi comme dans un livre. Tel un insecte vorace, tu as enfoncé ton aiguillon dans la chair du prince et tu ne veux pas le retirer. Mais moi, je te ferai lâcher prise. J'écrirai ce soir même à tes chefs et nous verrons. Maman, laissez en paix monsieur Lebedev. Nous ne sommes pas venus ici pour que vous lui disiez son fait. Tu oses interrompre ta mère? Et de cette façon? C'est inadmissible. Tu es une fille dénaturée, Aglaé. Mais en somme, pourquoi avons-nous rendu visite au prince, s'il te plaît? Pour nous inquérir de sa santé, il me semble, ma chère maman. Ah, en effet. Et en effet, c'est pour cela que nous sommes venus ici. Mais voilà, le prince se porte comme un charme. Alors? Permettez, madame, permettez, mademoiselle. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Général Ivolgin. Injustement mis à la retraite et en but à la calomnie... Père, je vous en supplie, restez tranquille. Quoi, gagnas-tu à honte de moi, ton père? Au nom du ciel, taisez-vous, père. Jadis, c'était les parents qui avaient honte de leurs enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui ont honte de leurs parents. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Je poursuis. Madame la générale est venue ici pour arracher le prince des griffes de cet immonde Lebedev. Et vous avez tort, mademoiselle, de vous interposer entre votre mère et ce forban de Lebedev. Ne prenez pas ombrage de cette observation faite par un vieillard qui vous a porté dans ses bras. Tu mens, Batushka. Tu mens comme d'habitude. Jamais tu n'as porté Aglaé dans tes bras. Je suis au regret de vous contredire, madame, mais j'ai bel et bien porté votre fille cadette Aglaé dans mes bras. J'étais alors capitaine et vous ne m'aviez pas encore fermé votre porte au nez, non. À cette époque, la porte de votre maison m'était largement ouverte. Oui, oui, à l'époque, Batushka. Mais depuis, t'es devenu ivrogne et tu as fait de la prison pour dette. C'est de moi que vous parlez, madame. C'est de toi, Batushka. De qui veux-tu que je parle ainsi? À présent, tu n'as plus qu'à te frapper la poitrine et à implorer le pardon de Dieu et des honnêtes gens. Oui, au lieu de te pavaner, tu ferais mieux de te cacher dans un coin et de pleurer sur tes péchés. Vous parlez sérieusement, Elisabeth Prokofievna? Suis-je vraiment un homme déchu? Tu l'es, général Ivolgin. Et si tu ne me crois pas... Regarde-toi dans un miroir. Il est inutile que je me regarde dans un miroir, Elisabeth Prokofievna. Votre verdict est sévère, mais juste. Je me retire donc de la vue de mes semblables pour ne pas les offusquer plus longtemps. Quant à Dieu, c'est une autre histoire. Comment cela, général? Très simplement, madame. En vérité, je ne sais pas si c'est moi qui dois implorer son pardon ou si c'est lui qui doit me demander des excuses pour m'avoir transformé en ce que je suis maintenant. Un déchet, une ordure, pour tout dire. Attendez, père. Puisque c'est ainsi, je m'en vais également. Vous voilà déjà débarrassé du général Ivolgin. Injustement mis à la retraite et en but à la calomnie. Et de son digne fils Gabriel Ardalionitch, dévoré par des ambitions insensées et ridicules. Comme Gabriel Ardalionitch a changé, vous ne trouvez pas, prince? Oui, il a été très malade. Depuis que Nastassia Philipovna s'est enfuie avec Parfen Rogojin, il n'est plus le même. Il est plutôt mieux, beaucoup mieux. Et voyons, Aglaé, comment ce misérable Gabriel Ardalionitch peut-il être mieux? Tu dis des bêtises. Vous oubliez, maman, qu'il n'a pas accepté l'argent que Nastassia Philipovna lui laissait pour le dédommager de ses torts. Non, je n'oublie rien. Mais cette femme ne lui a pas laissé 75 000 roubles. Elle les lui a jetés à la figure. Il y a une nuance, il me semble. Et puis tu m'en lui, Aglaé. Tu ne prends la défense de ce propre rien que pour m'agacer. Revenons plutôt au prince. Je suis ici pour lui faire une proposition. Eh bien, faites-la donc, maman, et partons, s'il vous plaît. Écoute, prince, Tu es un homme bien né. Tu as reçu une bonne éducation et tu es intelligent. N'en déplaise à ceux qui te considèrent comme un idiot. Pourquoi alors t'entourer de toutes ces crapules? Oh, vous vous écartez de nouveau du sujet, maman. Puisque vous êtes venue ici uniquement pour faire une proposition au prince, faites-la et allons-nous-en. Quelle manie avez-vous de vouloir toujours dire leurs faits aux gens qui ne vous demandent rien? Pour une fois, tu as raison, Aglaé. Eh bien, là voilà ma proposition au prince. Accepte-la ou refuse-la, c'est comme tu voudras, je n'insisterai pas. Et cette fois encore, la générale Yepanchin ne put formuler sa proposition. Elle regarda courroucer le nouveau venu, un jeune homme d'une belle prestance, mais au visage plutôt niais, et fixa avec reproche ses yeux sur moi. On dirait, prince, que votre chambre est une gare. On y entre et on en sort comme on veut. Le jeune homme, ignorant totalement la remarque de la générale Yepanchin, avança jusqu'au milieu de la pièce. Il hésita une seconde, puis inclina légèrement le buste, mais aussitôt le redressa d'un mouvement dédaigneux. Vous êtes le prince Mishkin, n'est-ce pas? Je me présente, André Bourdovsky. En réalité, j'aurais dû porter le nom de Pavlitchev, étant le fils de Monsieur Pavlitchev. Hélas, je m'appelle Bourdovsky, car conçu en dehors du mariage, je ne suis que le fils illégitime de Monsieur Pavlitchev. Ce qui ne change rien à l'affaire qui nous concerne, vous et moi, prince. Ah, permettez, monsieur Bourdovsky. Cela change tout à l'affaire qui concerne le prince et vous. Si vous étiez vraiment le fils de monsieur Pavlitchev, vous auriez... De quoi te mêles-tu, Lebedev? Laisse ce monsieur Bourdovsky s'expliquer avec le prince. D'autant plus, monsieur, que je ne vous connais pas. J'avoue d'ailleurs que je n'ai aucune envie de vous connaître. Je vous ai dit, prince, le fait que je sois le fils illégitime de monsieur Pavlitchev ne change rien à l'affaire qui nous concerne, j'ajoute, au point de vue moral. Car selon les lois de notre société, veulent les hypocrites... Évidemment, les lois qui régissent notre société sont loin d'être parfaites. Ainsi, vous êtes le fils de mon bienfaiteur Pavlitchev. Vous pouvez le dire, votre bienfaiteur. Monsieur Pavlitchev, non seulement vous a versé de larges mensualités sa vie durant, mais il a fait de vous son légataire universel. Je comprends votre amertume, monsieur Bourdovsky. Cependant, permettez-moi de vous faire remarquer que... Je ne permets rien, prince. Je sais d'avance ce que vous pouvez dire pour votre défense. Vraiment? Vraiment, prince. Vous direz que vous n'avez été pour rien dans la décision brutale de monsieur Pavlitchev de me déshériter et de rédiger un nouveau testament en votre faveur. Vous direz également que vous ignoriez jusqu'à ces derniers jours mon existence. En effet, j'ignorais que monsieur Pavlitchev eût un fils. Un fils illégitime, prince. Dès que je l'ai su, j'ai chargé Gabriel Ardalionite de vous retrouver et d'éclaircir la situation. Et j'étais prêt à réparer l'injustice, le cas échéant, mais... C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Jean-Jacques Delbault, Lebedev, Ginette Taffin, Aglaé, Pierre-Noël, Gabriel Ardalionitch, Roger Monteau, le général Ivolgin, Michel Garnier, Andrei Bourdovsky et Gabi Morlaix, la générale Yepanchin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.